comme il est écrit dans sa biographie, dans un article qu'elle a écrit avec Natacha Canapé-Fontaine qui s'intitule « L'inexorable insurrection », Nawal Hamidi est avocate, elle enseigne à l'Université Laurentienne Sudbury et est doctorante à l'Université d'Essex en Grande-Bretagne. Ses recherches portent sur les impacts juridiques et sociologiques de la colonisation dans les États coloniaux et post-coloniaux. Ses dernières publications ont porté sur la critique des traités modernes au Canada et sur les impacts de la colonisation en Algérie après l'indépendance. Alors, Nawal, tu es avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, vous voulez parler de Fanon, mais pas seulement de Fanon, mais de Fanon et la décolonisation. La décolonisation à l'époque de Fanon et aujourd'hui. Comment ça se trame en Algérie et ici? Oui. Et je te demandais en premier lieu de te présenter toi-même. Je vais faire une courte présentation, mais de nous en dire plus. Oui, oui, ben oui. Peut-être que je pourrais vous en dire plus. Alors, c'est ça, mon nom est Nawal Hamidi, et puis, voilà, je suis d'origine algérienne, donc je suis née en Algérie. J'ai grandi en partie là-bas, j'ai grandi aussi en partie au Québec, dans les régions québécoises. Ma mère est québécoise de Chicoutimi, mon père est d'Algérie, donc d'une petite ville qui s'appelle Zeralda. Et voilà, donc j'ai grandi dans un milieu, disons, où il y avait un dialogue interculturel et interreligieux qui s'imposait parce que ma mère est restée chrétienne et mon père était musulman et il l'est demeuré aussi. Alors voilà, donc on a fait face à beaucoup de questions qui touchaient autant la société que le couple, la famille. Et donc je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et voilà, en 2006, bon, je me suis mariée et cette fois-ci, j'ai intégré un autre élément culturel dans ma vie, c'est-à-dire ma famille Innu. Donc, mon mari est Innu, mes enfants aussi viennent de la Première Nation des Innu et Sipit. Alors, juste pour compliquer encore plus les questions que je me posais et les questions auxquelles j'ai fait face durant mon enfance. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans mon travail, tout l'aspect des effets de la colonisation, tout l'aspect de la religion aussi, du rapport aux religieux, et puis aussi le rapport des femmes à la religion, des femmes à la colonisation et à l'oppression, ont mené beaucoup mes recherches jusqu'à maintenant. Alors, voilà. Comment Nawal Hamidi arrive à Frantz Fanon? Oui. Alors, Frantz Fanon, c'est arrivé aux alentours de... J'avais début de la vingtaine, une vingtaine d'années. Et puis, on est revenu de l'Algérie dans les années 90, donc début des années 90, non seulement à cause des raisons économiques, mais aussi parce que, bon, ma mère, mes parents voulaient revenir au Canada. Pas juste pour des raisons politiques aussi. Alors, il y avait beaucoup de problèmes en Algérie à l'époque. Et puis, mes parents se sont dit, on va venir au Canada, on va rester quelques années, puis on verra comment la situation s'améliore. Et puis, la guerre contre les civils a commencé dans les années aux alentours de 92-93. Et mon père voulait retourner en Algérie. Donc, mais ma mère n'était plus d'accord parce que la situation était un peu risquée. Pour elle, pour toute la famille, pour mon père aussi. Mais mon père a quand même décidé de retourner en Algérie. Donc, mes parents se sont séparés à cette époque. Et donc, mon père est retourné pendant cette guerre, cette décennie noire. Et nous, on est restés au Canada. On avait fait le choix de continuer nos études. Cependant, je suis retournée en Algérie pendant les étés pour voir mon père. Et comme il était très impliqué dans la défense, dans l'autodéfense, parce qu'il avait formé des groupes de patriotes pour s'assurer qu'ils apprennent à se défendre quand il y avait des terroristes dont on ne savait pas l'origine, est-ce que c'était des gens de la société civile, est-ce que c'était le gouvernement, mais une chose était certaine, c'est que ceux qui étaient armés, en général, ne se faisaient pas attaquer. Alors, la mission de mon père, qui était un chasseur aussi et qui maniait les arts martiaux, c'était de former des paysans, donc des gens du milieu rural qui étaient souvent les plus vulnérables et qui étaient souvent ceux qui se faisaient attaquer, de leur apprendre à se servir d'une arme et devenir des patriotes, donc des patriotes un peu à l'image de la guerre de libération. Donc avec un drapeau sur le toit qui disait que cette maison était armée, que si il y avait des attaques de terroristes, eh bien, allait recevoir une riposte. Alors c'est dans ce contexte que je retournais en Algérie dans mes vacances d'été qui n'étaient pas vraiment des vacances. Et j'ai été un peu traumatisée, disons, par cette réalité, parce que mon père avait toujours eu l'intention de nous politiser, puis il a continué de le faire pendant la guerre pour qu'on comprenne un peu les dynamiques sociales, puis pour qu'on apprenne, j'imagine, à être courageux aussi. Et donc, c'est là que vraiment, c'est en revenant, j'habitais à Sainte-Foy à l'époque, donc imaginez, je pars de l'Algérie, je pars de Sainte-Foy, je vais en Algérie, c'est la guerre, je reviens à Sainte-Foy. Et là, j'ai eu un choc post-traumatique. J'ai commencé à penser à tout ce qu'on nous avait enseigné. Et là, j'ai entamé un processus de dénationalisme, ou dénationalisation, si on peut dire. Je suis devenue, j'ai commencé à remettre en question ce qu'on nous avait enseigné, comme de quoi il fallait qu'on sacrifie pour la nation, tous les beaux principes de la nation algérienne qui nous avaient rendus des patriotes, des nationalistes, des soldats prêts à donner leur vie pour la nation. Tout ça, c'est fait remettre en question. Et c'est à cette époque-là que j'ai entendu parler de Fanon. Je lisais d'autres auteurs algériens à l'époque, je me rappelle de Rachid Mimouni, de l'intégrisme en général et de la barbarie en particulier, un livre qui m'avait un peu expliqué géopolitiquement ce qui se passait en Algérie. Donc ça m'avait marqué, puis je lisais en parallèle, j'avais commencé à lire Les damnés de la terre, c'est la première chose que j'ai lue de Franz Fanon. Et Franz Fanon avait, il m'a conscientisé sur non seulement la construction de nos identités, puis de la lutte de libération en Algérie, puis des effets de la colonisation, mais comment finalement, après l'indépendance, donc en 1962, l'indépendance de l'Algérie, moi je suis née en 77, comment ça se fait que j'étais colonisée? C'est vraiment la question que je me posais. Je me disais, mais comment ça se fait que je suis colonisée? Et pourtant, j'ai pas vécu la guerre d'indépendance. Pourtant, j'étais dans un pays qui avait vécu son indépendance, sa décolonisation. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient été arabisés à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me sente, que je sente les complexes dont Franz Fanon parlait, c'est-à-dire complexe d'infériorité, cette volonté de constamment vouloir m'associer intellectuellement à la France, même dans mon langage, dans la langue que je parlais, le français. Alors j'avais différentes strates de complexes et je savais pas d'où est-ce que ça venait. Je pensais que c'était ça, être algérien, finalement, c'était d'être complexé. Et puis, j'ai amorcé tranquillement un questionnement sur moi-même, toujours en lien avec l'histoire de l'Algérie. Et donc, j'ai continué à lire Fanon dans ce sens, et ça a inspiré aussi ma compréhension de la réalité que vivent les premiers peuples, surtout le premier peuple innu, avec qui j'ai passé des années dans la communauté des Sipites. Et là, j'ai vu aussi d'autres phénomènes qui étaient très communs à ce que j'avais vécu en Algérie. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai été initiée à Franz Fanon. Avant de revenir aussi à la décolonisation ici et aussi à comment ça se passe en Algérie depuis l'indépendance, on va un peu s'attarder sur Franz Fanon. Alors, oui. Qui était Franz Fanon? Oui, alors, Franz Fanon, c'est un homme qui n'a pas vécu très longtemps. Hein. Il est décédé en 1961, donc à l'âge de 36 ans. Il est né le 20 juillet 1925. Et donc, il vient d'une famille martiniquaise de la classe moyenne, troisième garçon d'une famille de 8 enfants, qui a étudié aussi, donc la classe moyenne, ça veut dire qu'il a pu accéder à des institutions scolaires de haut niveau. Donc, à l'époque, c'était le lycée Scholcher en Martinique. Donc, il a été l'étudiant aussi. Il a eu la chance de rencontrer Aimé Césaire. Et on le voit aussi dans ses écrits, dans Peau noire, masque blanc, et même dans d'autres écrits par la suite, qu'il a été très influencé par Aimé Césaire. Et donc, à l'âge de 18 ans, je pense que c'est ça qui devient intéressant avec Franz Fanon, c'est qu'à l'âge de 18 ans, en 1943, il décide de joindre l'armée française pour combattre le régime de Vichy, qui était installé aussi en Martinique depuis 1939. Et d'ailleurs, il fait référence au régime de Vichy qui s'est installé en Martinique et qui a eu un effet, parce que à l'époque, c'était 10 000 soldats qui se sont quand même installés en Martinique et que ça a eu un effet, ça a transformé vraiment les rapports que les Martiniquais avaient entre eux à cause du racisme qui était béant dans l'armée d'occupation. Alors ce sont des aspects qui l'ont influencé énormément. Donc il s'est enrôlé dans l'armée, il s'est enfui carrément de la Martinique, il s'est enrôlé dans les forces françaises, dans les forces militaires françaises. Et c'est à cette époque-là qu'il a vécu aussi une expérience assez forte, donc une expérience du racisme, de la hiérarchisation des personnes d'origine, de différentes origines au sein de l'armée française. Donc il a rencontré des Maghrébins, des Marocains, des Algériens, il a rencontré des Sénégalais et bien sûr quelques individus des Antilles. Et il a remarqué cette hiérarchisation aussi au sein de l'armée française qui faisait en sorte que le rapport à l'européen français, donc aux militaires français, était différent selon qu'on était africain, subsaharien, qu'on était africain du Nord ou qu'on venait de la Martinique. Et ça a été un aspect qui l'a choqué énormément, qui l'a marqué. Et donc, en 1945, il revient. Donc, en 1944, il a été blessé. Il revient en 1945 en Martinique. Il termine son baccalauréat. Il participe aussi à une campagne parlementaire avec Aimé Césaire. Donc, c'est juste pour montrer qu'il avait une proximité personnelle avec le poète et l'écrivain. Puis, par la suite, il va partir et faire ses études de médecine qu'il complétera en 1951 en France, à Lyon. Parallèlement, il a fait aussi des études en philosophie, en littérature. Il a également étudié un peu la sociologie, l'anthropologie. Alors, c'est pour dire à quel point c'était une personne qui était très impliquée aussi, qui se posait énormément de questions et puis qui ne se laissait pas limiter par les champs disciplinaires comme le monde universitaire habituellement le fait. Et donc, toutes ces expériences qu'il a vécues et surtout ce racisme, autant à l'intérieur de sa communauté, la Martinique, qu'à l'extérieur, à travers la société française, l'ont amené à écrire ce fameux livre « Peau noire, masque blanc » qui n'a pas reçu une grande acclamation au moment où il a été publié pour différentes raisons. Mais il avait aussi publié 3 pièces de théâtre, donc dont 2 aujourd'hui que nous avons, qui font partie d'une publication là, récente en 2015 par Jean Khalfa et Robert Young, qui porte le titre « Franz Fanon, écrit sur l'aliénation et la liberté ». Et dans ces textes que Jean Khalfa et Robert Young ont réunis, ils présentent 2 pièces de théâtre, donc « Les mains parallèles » et « L'œil se noie » de Franz Fanon, donc des écrits qu'on ne connaissait pas de lui nécessairement et qui sont un peu qui s'inspirent beaucoup du surréalisme et qui sont très intéressantes. Alors donc en 1952, on avait déjà Peau noire et masque blanc et on avait ces 2 écrits. Par la suite, il va travailler donc 1 an en France, il va travailler avec le professeur François Toscaïès, qui est un psychiatre aussi et qui l'a inspiré beaucoup au niveau de la sociothérapie. Donc, il va, par la suite, en 1953, se retrouver en Algérie, à Blida, à l'hôpital de Blida, où il va pratiquer la médecine en psychiatrie et où il va rencontrer des patients autant français que algériens, des femmes et des hommes algériens qui ont subi des traumatismes liés à la colonisation et liés à la guerre. Et donc, en 1957, il va écrire une lettre qui est devenue assez fameuse, où il démissionne. Il écrit une lettre au ministre résident de l'Algérie à l'époque et lui demande sa démission parce qu'il dit que cette déshumanisation des citoyens algériens ne peut plus continuer et qu'il ne peut plus travailler pour un système qui mystifie et désubjectivise le citoyen et la citoyenne algérienne. Donc, il va partir en Tunisie. La Tunisie qui est libre de son protectorat français depuis 1956, donc depuis le mois de mars 1956, et donc qui était un pays aussi en reconstruction et qui soutenait les luttes de libération en Algérie, donc les luttes de libération qui ont pris naissance le 1er novembre 1954. Alors, Frantz Fanon est devenu un militant d'une certaine manière, autant par sa pratique de la médecine un peu révolutionnaire dans le monde de la psychiatrie assez dogmatique, donc par ses écrits en médecine psychiatrique, mais aussi par son travail de militant au sein du Front de libération nationale algérien, donc le FLN. Il va devenir un militant, il va devenir un diplomate de la cause algérienne. Et il va être envoyé par la suite au Ghana comme ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, donc du GPRA. Et il va par la entre-temps publier aussi en 1959 l'enseigne de la révolution algérienne, donc c'est un peu une sociologie de la guerre, mais aussi de la guerre d'Algérie, ce qui est en train de se passer en Algérie, mais c'est une sociologie aussi de l'Algérie. Et en 1960, il s'est atteint d'une leucémie assez grave, mais ça ne l'empêche pas de continuer ses travaux, donc il entreprend la rédaction des Damnés de la Terre. Alors, Jean Khalfa disait dans une entrevue qu'il écrivait de 7h à 9h le matin. Donc, il dictait à son assistante, Madame Marie-Jeanne Manuelan, qui a écrit un livre d'ailleurs sur la dictée de Fanon et qui démontre comment, finalement, même à travers la maladie, il a continué d'écrire. Donc, il a écrit ce livre en 4 mois, donc de janvier 1961 à avril 1961. Et il est décédé en décembre 1961, donc à l'âge de 36 ans. Alors, ça fait un portrait un petit peu global là, de sa biographie. Mais voilà, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus de lui à travers ses écrits. Oui, tout à fait. Avant d'aller plus loin sur la décolonisation et sur les situations vécues depuis, l'indépendance de l'Algérie, en Algérie, mais aussi ici. Nous allons écouter un extrait que tu as choisi, Nawel. Oui. Tu peux nous en parler? Oui. C'est un extrait, en fait, de texte qui est publié pour une révolution africaine. Et ça s'appelle... C'est une conférence qu'il a donnée au premier congrès des écrivains et des artistes noirs à Paris en septembre 1956. Et ça a été publié dans le numéro spécial de Présence africaine en 1956. Et c'est un rare discours auquel nous avons accès sur YouTube. Et j'ai été un peu... ça m'a fait plaisir, d'une certaine façon, d'entendre la voix de Frantz Fanon, de savoir comment il s'exprimait. Parce que dans Peau noire, masque blanc, dans un des premiers chapitres, il parle du rapport à la langue française, il parle du rapport des Martiniquais à la langue française et comment la colonisation aussi se fait à travers la langue, selon le degré d'accent qu'on va adopter. Et donc, ça m'avait marqué ce chapitre. Et puis, je trouvais ça intéressant d'entendre la voix de Frantz Fanon, mais surtout ce qu'il dit. Et je crois que ce qu'il dit dans cet extrait fait écho à notre monde, à notre réalité aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup changé depuis ce discours en 1956. Pardon. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l'ensemble du pays, ont raison. Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure. Alors, vous écoutiez Frantz Fanon lui-même. Et nous allons parler maintenant, brièvement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On y reviendra dans d'autres émissions. Mais brièvement, peut-être qu'on peut en parler à travers l'actualité de ce qui se passe en Algérie en ce moment, mais aussi dans son background historique. Oui. Parler de l'héritage de Fanon, c'est ça? L'héritage de Fanon, mais aussi de la guerre d'indépendance, où c'est que ça a amené, et c'est quoi les problèmes liés à l'indépendance aujourd'hui, peut-être? Oui. C'est un peu ça le but? Oui. C'est sûr que ça va être un peu peut-être compliqué de parler de la situation en Algérie avec peu de temps, mais Je pense que peut-être le lien qu'on peut faire avec ce que Fanon a légué dans ses écrits, c'est que beaucoup, on a souvent et longtemps pensé que la décolonisation, finalement, passait par la libération du territoire national. Donc, la colonisation, c'est vraiment une administration étrangère qui prend le contrôle total d'un pays. Et donc, on s'est dit, les études et même la pensée des coloniales affirmaient que ce racisme, et d'ailleurs dans ce discours que Fanon vient de prononcer, il termine vraiment avec cette obligation de passer par la lutte doit mener à la libération du territoire national. Donc au départ de l'administration coloniale, donc le départ de la France. Et ça a été, en Algérie, ce départ de la France, ça s'est fait physiquement. Les Français ont quitté littéralement leur maison, ils ont tout laissé, ils ont pris simplement leurs valises. Et il y a eu des camions qui les ont menés finalement à retourner en France, même des Français qui étaient en Algérie depuis 2-3 générations. Alors ça a été carrément ça qui s'est passé. Et il y a un très beau film qui vient du roman de Yasmina Khadra, « Ce que le jour doit à la nuit », qui est un film qui se passe dans cette période de décolonisation et je trouve que ça image très bien, ça nous donne des images un peu de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire on voit une multitude de personnes partir et on voit une euphorie incroyable dans le peuple algérien. D'ailleurs, il y a des archives qui nous montrent cette euphorie incroyable. Et donc, une fois que la France est partie, ben on s'est dit, ben ça y est, on va tout reconstruire, on va enfin pouvoir s'exprimer, on va enfin pouvoir être, devenir ce qu'on veut être, c'est-à-dire des êtres humains à part entière qui ne seront plus sujets à la domination, à la déshumanisation, à l'humiliation, à la mystification. Ça y est, on va prendre notre avenir en main et puis on va passer à une autre étape. Mais ce que Fanon nous dit dans ses écrits, dans Peau noire, masque blanc, dans Pour une révolution africaine, dans Les damnés de la terre aussi, ce qu'il nous dit puis ce qu'il nous a légué comme avertissement, c'est que ce n'est pas suffisant de partir, de décoloniser le territoire national. Il faut aussi se décoloniser soi-même, il faut aussi décoloniser nos esprits. Et ça, c'est pas évident. J'ai entendu une entrevue qui avait été donnée en 1979 avec José Fanon, il y a quelque temps, et elle disait que carrément Frantz Fanon voulait retourner non pas en Algérie comme ministre de la Santé dans une Algérie indépendante, mais comme médecin psychiatre qui allait éventuellement ouvrir un service, continuer ses travaux comme psychiatre, mais qui allait permettre surtout de guérir des effets psychiques de la colonisation, donc des problèmes mentaux, de la psychose, les névroses, toutes les pathologies qui ont été créées à travers la guerre, mais aussi la colonisation, donc vraiment la déshumanisation. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça, parce que rarement on a compris que le système colonial est un système qui mettait sous totalité les individus qui étaient soumis à ce système-là, donc à tous les niveaux, donc au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau intellectuel, à tous les niveaux. Mais le fait de se réapproprier son indépendance nationale n'a pas nécessairement libéré les esprits. Et ce qui se passe en Algérie aussi, on pourrait faire une courte histoire de l'Algérie, mais c'est que cet aspect de libération des individus, de la libération psychique, n'a pas eu lieu. Et donc, non seulement on s'est retrouvé avec un régime dictatorial dès 62, et d'ailleurs Fanon en avait parlé, de faire attention, de ne pas transformer ses libérations en dictature, mais en plus, les programmes qui ont été appliqués après ça au niveau de la scolarisation, au niveau des hôpitaux, on s'est retrouvé avec un régime militaire qui a continué cette subordination du peuple algérien, donc de statut de colonisé, on est passé au statut de subalterne. Et donc, comme disait Jacques Derrida, et donc, on n'a pas été capable encore de faire le ménage dans nos esprits, mais aussi dans nos institutions, parce qu'on a reproduit d'une certaine façon ces structures coloniales au sein de l'administration, mais pas juste les structures coloniales, on a reproduit aussi les représentations que L'ancienne administration coloniale avait de nous. Et donc, on les a reproduits entre nous. On n'a plus besoin maintenant d'une administration pour nous dire qu'on est des bicots, des melons, des gens avec finalement peut-être un cortex cérébral beaucoup plus petit que celui de l'homme européen, comme disait le professeur Porreau avec l'école de psychiatrie d'Alger. Maintenant, on n'a plus besoin des Français pour le dire. On l'a intériorisé à un tel point qu'on y croit puis qu'on se traite mutuellement de cette façon. Alors, aujourd'hui, je crois que ce qui se passe dans la rue, c'est aussi une demande pour que tout ça cesse et pour qu'il y ait enfin un nouveau régime, un régime beaucoup plus démocratique dans un sens, oui, mais beaucoup plus digne, qui va protéger célébrer l'être humain là où il se trouve, comme juste pour paraphraser Frantz Fanon. Oui. Ben, maintenant que tu es avec nous, en fait, pour l'émission, et que je citais tantôt, avant que tu arrives en onde, l'inexorable insurrection, le texte que tu as écrit avec Natacha Canepé-Fontaine, et ce qu'on est aujourd'hui dans un jour où on parle des résultats de l'enquête qui a eu lieu sur les femmes disparues. Oui. Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus avant, pour conclure? Oui, pour conclure. Pour conclure, qu'on conclura jamais, mais... Oui. Ben, pour conclure, OK. Ça, il y a un gros rapport qui est sorti aujourd'hui sur la commission des femmes autochtones et des jeunes filles assassinées et disparues. Peut-être que je pourrais, encore une fois, peut-être lire un petit extrait là, de ce que Fanon a écrit dans Peau noire, masque blanc. Mais pour faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, on a le rapport conclut qu'il y a un génocide en ce moment au Canada, et puis là, autant la société dominante que la société civile, etc., se sentent attaquées, se sentent ben voyons donc, on n'est pas des génocidaires, etc., etc. Et je pense que l'objectif de ce rapport, c'est pas de pointer du doigt les individus, mais de pointer du doigt un système, un héritage qui est encastré dans nos institutions, un héritage qui est extrêmement vétuste, qui est colonial et qui est raciste aussi, et qui a continué de pointer un groupe particulier dans notre société, les premiers peuples, parce qu'ils étaient une entrave au développement, ils étaient une entrave à la colonisation, ils étaient une entrave à l'installation des populations européennes. Et donc, aujourd'hui, on est pris avec cet héritage, mais on en est même plus conscient, parce que, comme disait Fanon, le racisme, à un certain point, il devient dans la culture. Et puis, j'aimerais peut-être citer un aspect, c'est dans la conclusion de Peau noire, masque blanc. Il dit « Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs, afin que naisse une authentique communication. » Et donc, en guise de conclusion, je pense que c'est une belle phrase. C'est une phrase qui nous amène non pas à dire « Ah ben non, voyons donc un génocide au Canada, les femmes autochtones. » Non, oui, il y a un génocide en cours au Canada. Il est subtil, il se fait à travers des moyens beaucoup plus développés. On le sait, il y a des femmes qui sont assassinées, des femmes qui disparaissent, mais... Encore une fois, il y a une population qui est mise sous totalité encore. Il faut avoir étudié le colonialisme au niveau juridique et au niveau sociologique pour savoir que ça se fait de manière extrêmement subtile, tellement qu'on se rend pas compte dans la façon dont on agit, qu'on participe à un système comme celui-là, parce qu'on ne connaît pas les premiers peuples, on n'a presque pas de relation avec eux, la majorité de la société, je parle bien sûr. Et donc, ce que Fanon nous dit là-dessus, il nous invite à se questionner, à s'interroger, à aller vers l'autre et à se poser cette question qu'est-ce que je fais qui fait en sorte de détruire et d'humilier une autre personne sans que je m'en rende compte, et de se poser la question quel est l'héritage de cette colonialité, de ce racisme qu'on a institué dans nos dans nos institutions dès le début de la colonisation, mais qui demeurent encore aujourd'hui. Et que sans s'en rendre compte, comme fonctionnaire, comme citoyen, comme représentant politique, on perpétue cette colonialité, on perpétue ces rapports de violence coloniale sans s'en rendre compte. Et donc, je pense que ce rapport, je suis en train de le lire, là, je peux pas commenter au complet, je suis en train d'en prendre connaissance, mais ce que ce rapport essaie de faire, c'est de amener la société à s'arrêter et se dire « Wow, il se passe quelque chose d'extrêmement grave en ce moment, et comment est-ce que je pourrais participer à cesser, à modifier nos mentalités, à modifier nos rapports et à modifier la façon dont on fait les choses, notre mode de vie finalement. » Alors, je conclurai à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup, Nawel Hamidi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir.